Mon père, un bruxellois, un jour a rencontré maman. C'était une belle Wallonne dont le papa était flamand. Ils se sont dit je t'aime et ils ont fait un petit enfant. Le résultat, je suis là, un bon petit belge tout simplement. Et un jour, Jules César a chanté d'une voix grave. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Et bien que ce n'était qu'un tout petit point sur la carte, et pour les séparer, je vous jure, ça n'a pas été de la tarte. Les sites de Wallonie, la mer du Nord, c'est magnifique. Bruxelles, la capitale, se trouve au milieu de tout ça. Nous, on veut pas le changement, et vive Albert et Paola. Imaginons un jour, une Belgique qui explose. Du Nord au Sud, il ne resterait pas grand-chose. Pourquoi une division, une addition, ce serait plus sage. Pays coupé en deux, cela serait vraiment dommage.